c'est l'international, audition bouquet bouquet. Et c'est j'aime la beau Congo, papa Bernard. Brutal le sang, élevé Massaro. Fan club satellite chez Mère Malou. Joseph Mabika. Cinéma pour chaque année. Armand de Varka, Julien d'Escapone. La mole lio, la mole li chéri a pharao. Nana le li nangayo, mote manange palnayo. Vidéo la persévérance chez Yalomé. La mole lio, nana le li chéri a pharao. Nana mole li nangayo, mote manange palnayo. Maï Gipa, Asko, Mama Maria. Ayo kasantima, ayo lelie, ayo lelio, mwana ya mama. Kashabrete le manza kamankoyi. Ayo lelie, ayo lelio, mwana ya pario. Yambe la lele la ngayo, ngaempe na linga kayo, yompe linga kangai. C'est le Mankaji, c'est Fils Bawel, le roi Hassan Alfantinal. Et tu n'as pas de tout foutu, oui, ça n'a pas de ça n'a pas. Le Colombien a mené, pas tout à coup la baille des galops. Adam Boston et Mère Léontine. Bolé, bolé, bon foutu, oui, ça n'a pas, oui, ça n'a pas. Le Colombien a mené, pas tout à coup la baille des galops. Loco Lopez et la Carlos. Dona beto tu fetu usana, ta usana kwetu. Tukoro jena meno, bantu bakula bayiri kalu. Video papi na ponto la belle. Bole bole ba fetu usana, ba usana kwao. Tukoro bandia, bantu na bantu bayiri kalu. Mulier coiffure, Raymond Dems na Grand Marché. Bateka kanya una saki keke bae mama. Serve en Pakistan. marcher.